Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. On persévère, on lâche pas, on lâche pas, on lâche ouais. C'est en pleine nuit que je suis né alors que tout le monde dormait encore. Une arrivée discrète avec la vie, j'avais rencard. Mon réveil c'est ouvrir les yeux, devenir plus fort, fournir effort, car on vient et on repart. Très jeune, très tôt, je voulais marcher sans perdre de temps. J'y ai appris à mes dépens qu'on peut y perdre ses dents et ses dents. Les moments difficiles qu'on y forge son caractère. Y'a des enfants dans la lune, y'en a qui sont déjà sur terre. Les années passent, de classe en classe, du collège à la rue, t'avances plus. Et c'est un de plus que le quartier a eu, si j'avais su. C'est le discours qu'on entend souvent, car dans nos poches le vent et le silence comme dans un couvent. On reste là, nos erreurs, en train de les payer. C'est soit rester, ou alors un jour se réveiller. Ma vie c'est pas la pire qui soit et j'en suis heureux. Car pour une fois, mon réveil a sonné à l'heure. Le peur a pour moi, c'est découvert sur la radio. Dynastie sur le mix à 15 piges qui m'a mis haut. Parfum comme tout Paname qui bougea comme un Rio. Déclenche en moi l'envie de clamer tout fort mes idées au fond. Je me dis que le rap, sûr c'est un bon truc. Les divisés se retrouvent après s'être cassé du sucre sur le dos. Et la pression des fois ça fout le trac. Y'en a qui attendent la chute mais quand on rappe ils se grattent. On se tape c'est un combat et chouette à personne tomber. Hip hop dissout là-bas on s'en bat, on a esquivé le palais. Parole consciente ou égo, chacun son kiff son bédo. Passe à autre chose si tu trouves que ce monde il est beau. On parle et on se taira pas, on restera réveillé. On ira jusqu'au bout, y'a trop de vérité à révéler. Dormir ou se lever à l'heure, subir ou faire face au malheur. Chacun ses choix, ses principes et ses valeurs. C'est en pleine nuit que je suis né alors que tout le monde dormait encore. Une arrivée discrète avec la vie, j'avais rencard. Mon réveil c'est ouvrir les yeux, devenir plus fort. Fournir effort, car on vient et on repart. C'est en pleine nuit que je suis né alors que tout le monde dormait encore. Une arrivée discrète avec la vie, j'avais rencard. Mon réveil c'est ouvrir les yeux, devenir plus fort. Fournir effort, car on vient et on repart. C'est en pleine nuit que je suis né alors que tout le monde dormait encore. Une arrivée discrète avec la vie, j'avais rencard. Mon réveil c'est ouvrir les yeux, devenir plus fort. Fournir effort, car on vient et on repart. C'est en pleine nuit que je suis né alors que tout le monde dormait encore. Une arrivée discrète avec la vie, j'avais rencard. Mon réveil c'est ouvrir les yeux, devenir plus fort. Fournir effort, car on vient et on repart. C'est en pleine nuit que je suis né alors que tout le monde dormait encore. Une arrivée discrète avec la vie, j'avais rencard. Mon réveil c'est